Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. France Volontaire se voit dotée d'une mission d'intérêt général, à savoir l'envoi de volontaires de solidarité internationale. France Volontaire contribue au développement qualitatif et quantitatif des différentes formes d'engagement. Différents statuts permettent à tout public de se rendre en mission à l'étranger pour une durée plus ou moins longue. Je les ai rencontrés sur un salon solidaire. Volontaire ? Pourquoi pas vous ? Comment ça se fait que vous avez des pelures de clémentine ? Vous avez des clémentines ? Ah ouais, je veux bien des clémentines. Fraîches. Voilà, donc première impression, quand on arrive chez France Volontaire, on est accueilli par une clémentine. Eh oui, ça sent la clémentine sur notre stand. Tu t'appelles Clémentine ? Non, Frédéric, ça n'est pas un nom de fruit. Ok, donc on est sur le salon du tourisme, Solidarissimo à Colmar. Donc là, je suis sur le stand de France Volontaire. Donc ensemble, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'est France Volontaire. Donc on vous voit un peu dans les salons solidaires, les salons du voyage. Je vous avais rencontré il y a quelques années aussi. Donc qui est France Volontaire ? Qui êtes-vous ? Alors en fait, France Volontaire, c'est une association de solidarité internationale qui a comme angle d'approche, on va dire, le volontariat. Alors qu'est-ce que le volontariat ? Une sorte de bénévolat qui permet à des gens de tout âge, de toutes conditions, de toutes compétences, de partir sur des missions plus ou moins longues avec une spécificité commune, l'engagement et puis également la mise à disposition de compétences professionnelles. Donc tu dis une sorte de bénévolat. On va faire la distinction entre le volontaire et le bénévole, parce que ce sont des statuts quand même très différents et très l'un de l'autre. Oui, dans un sens, oui. Mais l'idée, c'est que notamment, enfin, le bénévolat n'est pas un statut. C'est un état de fait, en quelque sorte. Mais à la différence, notamment, du volontariat de solidarité internationale, ça n'est pas un statut. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que le statut de volontaire ? Alors en fait, le statut de volontaire est, pour le statut de volontaire de solidarité internationale, c'est donc le volontariat de solidarité internationale est un statut reconnu par une loi depuis 2005 et qui permet à des gens de partir dans un cadre un petit peu plus normé que pour des missions qui sont parfois organisées de manière un petit peu cavalière. Donc le volontaire de solidarité internationale part avec une formation au départ, mais également un encadrement sur place, une assurance maladie, enfin une couverture maladie, une assurance rapatriement, même une cotisation retraite, hein, si jamais il arrive à la retraite. Et ça permet également aux gens en fait, de partir dans le cadre d'associations qui sont agréées par l'État, donc reconnues sur le plan du sérieux et de la crédibilité de leur association et connues dans le monde de la solidarité internationale. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'historique de France Volontaire ? Quand est-ce que France Volontaire est née ? Et quel est le statut aussi de France Volontaire ? Vous êtes-il une association, une institution ? Donc France Volontaire est une association, loi 1901, qui est à la fois très jeune, puisqu'elle a été créée en janvier 2010, et très ancienne, puisqu'elle a été créée sur la base de l'AFVP, Association française des volontaires du progrès, qui elle a 50 ans. Nous sommes donc une association, mais qui a la particularité d'être co-gérée par l'État, enfin en partie par l'État et en partie par les associations de solidarité internationale et d'éducation au développement. Donc c'est une des deux associations actuelles co-gérées par l'État au même titre que l'UCPA. Donc en fait, vous faites le lien entre les projets dans les pays du Sud portés par des associations locales qui viennent vous voir et proposent ben « Tiens, nous, sur ce pays ou sur cette mission, on aurait un profil de poste qui serait le suivant. Est-ce que vous pouvez, en France, nous trouver une personne qui répond à ce profil de poste et qui pourraient partir en tant que volontaires. Oui, tout à fait. C'est vraiment une des grandes missions de France Volontaire, proposer à des gens qui souhaitent partir sur des périodes plutôt longues, hein, on est sur du 24 mois en moyenne, de partir donc, dans des pays en voie de développement, donc, d'une part, et de mettre en relation donc, ces gens avec des structures qui, sur le terrain, dans les 50 pays dans lesquels nous travaillons, viennent vers nous et nous demandent justement des ressources humaines, en quelque sorte. Donc il y a en fait sur le terrain un maillage important de salariés de France Volontaire qui connaissent très bien le terrain, connaissent très bien les associations locales et qui montent avec ces associations locales des projets qui nécessitent l'accueil de volontaires que nous, au siège en France, nous recrutons. Donc ça, c'est vraiment une des activités de France Volontaire. Il y a une autre activité qui est une activité extrêmement importante et qui est aussi très large et très ambitieuse, il faut bien le dire, qui est de promouvoir toutes les formes de volontariat en France. Donc depuis les jeunes gens qui partent en chantier internationaux, qui sont des gens qui ont entre 16 et 20 ans, on va dire, et puis jusqu'aux volontaires seniors qui sont des retraités et qui souhaitent investir leurs compétences, leur temps, leur expérience professionnelle aussi, ainsi qu'une partie de leur argent dans des missions plus ou moins longues qui vont de quelques semaines à plusieurs mois. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ok, donc il y a différents types de volontariat, différents types de statuts sur des durées différentes qui s'adressent à des publics différents. Certes, oui, tout à fait. On a vraiment des publics différents avec, comme à chaque fois, comme très commun, une sorte de, un socle commun de traits de caractère, comme par exemple le respect des autres, l'envie de découvrir une culture différente, le respect, la diplomatie, etc. Donc oui, une multitude de profils de volontaires, mais avec pour la plupart des traits qu'on retrouve de 16 à 77 ans. Donc on va essayer de les brosser les uns après les autres. Donc de mémoire, il y a le statut de VSI, volontaire de solidarité internationale, le statut de chantier bénévole, le statut de congé solidaire. On peut aussi partir en mission senior. J'oublie quoi encore ? Le service civique, qui est vraiment un dispositif étatique qui a été mis en place il y a peu de temps et qui est à l'heure actuelle un statut. Alors là, vraiment, on a vraiment des gens qui partent dans le cadre d'un dispositif très normé mis en place par l'Agence du service civique qui dépend du ministère de la Jeunesse et qui, en fait, permet à des jeunes entre 16 et 25 ans de partir sur des missions en France, mais également, depuis cette année, à l'étranger. Par exemple, en Haïti, par exemple au Pérou, sur des missions de 6 mois minimum à 1 an maximum. On a des jeunes gens qui n'ont pas de, à qui on ne demande pas des compétences particulières et par contre à qui on demande un grand sens de l'engagement et du service à autrui. Quelle est la démarche ? Maintenant, je suis un jeune j'ai 26 ans. J'ai fini mes études, j'aimerais pouvoir aller effectuer une mission à l'étranger en fonction de mon diplôme, de ma formation. Quelle est ma démarche ? Alors vous allez sur le site de France Volontaire, si vous voulez partir avec France Volontaire en tant que VSI, et vous candidatez en ligne. Donc il y a toute l'inscription avec tous les renseignements, et vous envoyez votre CV et une lettre de motivation. Après il y a un tri qui est fait à France Volontaire, ils vous demandent de venir sur le siège, vous avez un entretien. Et après, on décide ou non si vous êtes reçu. Et ensuite, il y a une commission d'affectation qui essaye de réunir le volontaire et la mission. Et vous avez un stage de formation au départ, avant de partir d'une semaine ou 15 jours. Et vous réglez tous les problèmes administratifs, on vous propose votre mission, et vous réglez aussi le problème du visa, et c'est parti. Thank you. J'ai une autre question. Aujourd'hui, on vit dans un monde de l'image. On voit beaucoup de choses à la télé, dans les journaux. On a l'impression que voyager, c'est facile. On a l'impression de connaître le monde déjà avant même d'y aller. Mais quand on se retrouve dans une province au fin fond du Togo, au fin fond du Burkina ou quelque part en Amérique du Sud, la réalité est très différente, donc il faut faire peut-être attention. Comment on s'y prend ? Quels sont les critères qui vont faire que, ok, cette personne est peut-être apte à partir et celle-là, ben, peut-être qu'il faut encore qu'elle mûrisse ses idées ou qu'elle soit un peu plus mature ? Oui, c'est vrai que la réalité est souvent loin du fantasme ou des préconçus qu'on peut avoir, mais justement, les stages de préparation au départ permettent d'abattre les préjugés et puis surtout permettent à nos formateurs, hein, que ce soit à France Volontaire, mais dans toute autre association qui prépare des volontaires au départ, qui leur permettent en fait de faire parler les volontaires, de voir dans quelle mesure ils fantasment leur voyage, ils fantasment l'humanitaire qui, dans les années 2000, est devenu l'espèce de rêve de beaucoup de gens après avoir été le rêve de journaliste ou de journaliste reporter. On a reporté ces fantasmes sur l'humanitaire et grâce au fait de pouvoir passer une semaine, parfois plus, hein, certaines formations durent jusqu'à 10 jours, donc ces formations permettent en fait aux formateurs de détecter les volontaires qui sont encore trop, ou les candidats au volontariat plutôt, qui sont encore trop dans le fantasme, et de discuter avec eux et pourquoi pas de leur proposer de partir sur des périodes courtes, faire un mois de mission par exemple, plutôt que de s'engager directement sur 2 ans ou même 1 an de mission. Quelqu'un qui n'est pas préparé et qui sur le terrain déchante, aura perdu son temps, sera certainement très frustré, voire malheureux. Sur place, l'association qui l'accueille aura également perdu son temps et l'association qui envoie le volontaire sera également dans une situation où elle devra recommencer un recrutement et repartir de zéro. Donc dans tous les cas, la formation au départ, le temps de travail avec les formateurs, avec les personnes qui travaillent au recrutement est vraiment fondamental pour pouvoir partir sur des bases saines, objectives, et surtout pas angéliques. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait une fois sur le terrain, ou une fois sur le terrain, le volontaire est complètement lâché ? Non, bien sûr, sur le terrain, il y a un encadrement qui est organisé. Pour certaines associations, c'est par le biais de rendez-vous téléphoniques, de rencontres une fois par an. Et pour d'autres associations, comme France Volontaire, nous avons la chance d'avoir un maillage important sur le terrain, un réseau au sud, dans les pays du sud et puis également dans les pays d'Amérique latine et d'Asie, où en fait les volontaires sont suivis, je dirais quasiment au jour le jour, hein. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'ils sont quand même une grande marge de liberté, mais sur place nous avons des salariés qui ont pour activité principale le suivi pédagogique, administratif, voire personnel des volontaires. Thank you. Alors j'ai en tête des noms d'associations, on est en Alsace, donc en Alsace j'ai l'IRCOD, le SCD, Service de Coopération pour le Développement, la DCC, Délégation pour la Coopération Catholique. Donc différents organismes proposent l'envoi de volontaires avec ce statut de VSI. Quelle est la différence entre les uns et les autres ? Chaque association est vraiment, a vraiment sa philosophie propre. Là, vous citiez des associations qui, pour la plupart, sont confessionnelles, par exemple. Et c'est un élément important en termes de distinction de philosophie des différentes associations. France Volontaire est une association laïque. La délégation catholique à la coopération, comme son nom l'indique, est une association confessionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit présenter son certificat de baptême et certifier qu'on va aller à la messe tous les jours pour partir avec eux, pas du tout, mais il faut avoir en tête que les valeurs portées par le catholicisme sont aussi les valeurs de ces associations de volontariat. C'est une différence parmi les différentes associations qui existent dans le cadre du volontariat de solidarité internationale agréé par l'État. Une autre différence est tout simplement l'approche professionnelle qui est proposée aux volontaires. Pour certaines structures, par exemple France Volontaire, nous demandons aux volontaires de mettre en œuvre leurs compétences professionnelles, le domaine d'études qu'ils ont suivi, etc. Pour d'autres, il est plus nécessaire d'apporter en fait de son temps, de s'ouvrir à la culture des autres, et donc les missions qui sont proposées ne sont pas forcément en adéquation directe avec les compétences professionnelles des volontaires. C'est un choix d'organisation, c'est un choix des valeurs de portées par la structure. Est-ce que la coopération, c'est la même chose ? Alors non, dans le fond, c'est pas pareil. Dans la forme, certains volontaires ont une activité professionnelle assez intense, ce qui les rapproche de personnes qui pourraient travailler dans la coopération. Mais dans tous les cas, une grande différence existe entre les coopérants et les volontaires, c'est tout simplement l'engagement personnel, l'engagement au service de la solidarité internationale. Un volontaire est donc entre guillemets bénévole, dans le sens où il n'a pas de salaire, mais une indemnité qui lui permet de vivre, qui est d'ailleurs versée en début de mois. Ce qui permet justement de faire la distinction avec un salaire qui rétribue un travail effectué. Et puis également, les volontaires sont tous payés dans un même pays. Les volontaires d'une structure sont tous payés au même niveau d'indemnité, quelles que soient leurs années d'expérience, quel que soit leur niveau d'études, etc. Donc c'est un vrai engagement pour la solidarité internationale, contrairement aux coopérants qui, eux, sont bien là pour travailler et effectuer une tâche très professionnelle sans forcément d'implication dans la solidarité internationale. Ils sont en Afrique, ils pourraient être en Europe, en Amérique du Nord, ce serait pareil. En quelques chiffres, France Volontaire, combien de gens postulent chaque année ou chaque mois et combien de gens partent en mission ? Alors on a environ 1500 candidatures par an. Qui arrive par le biais de notre site internet et puis plus de manière maintenant plus anecdotique par la poste, et nous en recrutons environ 300 pour partir sur des missions de 2 ans. Il y a donc une certaine sélection qui est faite, mais qui n'est pas faite, de manière négative, en disant aux gens, tiens, toi, tu ne corresponds pas, merci, au revoir. Non, nous sommes bien dans une démarche d'évaluation des candidatures. Si le profil d'un candidat au volontariat semble intéressant, mais il manque certains éléments, nous permettons de le convoquer, de discuter avec lui, de lui expliquer un petit peu notre point de vue, voire de lui conseiller, d'étoffer son expérience, etc. Donc il y a vraiment un service, en quelque sorte, rendu aussi aux candidats au volontariat pour leur permettre d'améliorer leur candidature au cas où elle ne correspond pas à l'heure actuelle avec les critères nécessaires pour partir. Comment valoriser son expérience en tant que volontaire ? Donc je pars en mission pour 2 ans, je rentre en France. Un décalage s'est créé entre ce que j'ai vécu et la réalité ici chez nous ? Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est une problématique extrêmement importante pour toutes les associations de volontariat, surtout du volontariat long, puisque les volontaires, en fait, à leur retour, sont parfois effectivement décalés avec leur société de départ et leur mentalité de départ. C'est-à-dire qu'ils ont changé, tout simplement, et il faut adapter leur nouveau projet de vie à leur expérience passée. Pour cela, en fait, la plupart des association propose un stage qu'on appelle à France Volontaire un stage bilan et perspective et qui porte bien son nom puisque l'idée est de faire un point sur ce que les volontaires ont fait pendant 2 ans et aussi de se projeter dans l'avenir et donc de rédiger CV, lettre de motivation, discussion avec des psychologues, etc. Donc il y a quand même une prise en charge au retour pour les volontaires et on remarque qu'un tiers des volontaires environ reprend des études après leur retour de mission, ce qui leur permet souvent de mettre en adéquation leurs nouvelles compétences avec des diplômes, puisqu'en France le diplôme est le sésame indispensable. Et puis également, je pense que ça permet aux volontaires de reprendre pied dans leur société sans entrer brutalement dans le monde du travail. Regarde ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage. Regarde d'ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Quel est l'âge moyen de départ pour un volontaire ? Alors pour les volontaires de France Volontaire, on est sur à peu près 25-27 ans. Et de manière générale, pour l'ensemble des associations, on est sur une trentaine d'années. On voit que c'est surtout les jeunes qui, après leurs études, partent sur des périodes longues comme ça, au moment où ils ne sont pas forcément en couple, et encore que, on a énormément de couples qui partent sur des volontariats. Ils n'ont pas encore de prêts immobiliers, de prêts en tout genre sur le dos, et ils n'ont pas forcément de CDI. Ce qui n'est pas toujours le cas, certains partent avec rompent un CDI pour partir, mais une majorité de jeunes gens souhaitent mettre en place ce volontariat qui est souvent un souhait très longuement mûri avant d'être vraiment très implanté dans leur société de naissance. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de profils de poste ? Quelles peuvent être les missions sur lesquelles le volontaire va travailler ou va être intégré ? Oui, alors pour toutes les associations, les profils de poste sont généralement assez larges, sauf pour les associations spécialisées. Je pense à Handicap International, par exemple, qui recrute énormément de kinés, de médecins, etc. Mais pour une association généraliste comme France Volontaire, les profils sont extrêmement diversifiés. Par exemple, pour les 300 volontaires qui sont partis là en 2011, on a environ 250 diplômes différents qui ont été passés, enfin 250 diplômes différents. Et donc on a des volontaires qui partent avec des profils par exemple d'assistante sociale, des profils d'animateurs sociaux, jusqu'à des volontaires qui sont ingénieurs généralistes, ingénieurs agronomes, hydrauliques, des urbanistes, etc. Donc on a vraiment, je ne pourrais pas vous donner de listing complet de profils de volontaires. Pour vous donner une idée, Quelqu'un qui est urbaniste, par exemple, peut aller travailler à Bamako avec la collectivité territoriale, la mairie de Bamako, pour appuyer les techniciens locaux à la mise en œuvre d'un plan d'assainissement et de salubrité dans la ville. Donc on a quelqu'un qui met directement un volontaire, donc qui met directement en œuvre ses compétences universitaires et professionnelles. Quelqu'un qui sera, par exemple, nous recrutons aussi des gens qui ont un diplôme en langue étrangère appliquée. Alors, ils ne vont pas être profs de français directement, mais pour la plupart, ils auront un rôle de formateurs ou formateurs d'enseignants. Nous avons à l'heure actuelle une volontaire qui a un LEA et qui travaille au Pérou, à l'Alliance française, et qui a pour activité de former des professeurs de français à différentes techniques pédagogiques pour pouvoir gérer un groupe, donner une dynamique dans leurs cours, etc. Et qui enseigne dans une prison politique afin que les prisonniers politiques qui sont également profs de français puissent donner des cours aux autres détenus. Est-ce que tu es partie en mission ? Ah oui, je suis partie en mission. Moi-même, je suis une ancienne volontaire de France Volontaire. À l'époque, c'était donc la FVP. Et j'ai travaillé 2 ans et demi au Niger, à Niamey, dans des écoles primaires, à l'appui aux associations de parents d'élèves. Puisque les associations de parents d'élèves existaient, il y avait une loi qui obligeait même la formation des associations de parents d'élèves. Mais c'était des coquilles vides où on mettait le chef du village en président. Le directeur de l'école était secrétaire et le comptable, c'était celui qui tenait une petite épicerie, par exemple. Hop. Et donc, nous avions des associations de parents d'élèves totalement vides, inexistantes au sein de l'école. Et tout le programme, à l'aide notamment de fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale nigérien, était de pouvoir donner une vie à ces associations et dynamiser les écoles. Qu'est-ce que ça peut apporter comme expérience personnelle pour le volontaire ? Quels sont en général les retours que tu entends pour les gens qui rentrent de mission ? Alors en fait, je pense que ça apporte une grande relativité par rapport à sa société de départ, une grande ouverture aussi à des cultures différentes de la sienne et donc à une certaine maturité acquise en 2 ans mais qui, je pense, en France pourrait prendre beaucoup plus de temps. Donc je pense que sur le plan personnel, on acquiert aussi une certaine assurance personnelle et puis une grande ouverture aux cultures différentes de la sienne. Donc France Volontaire, un engagement pour la solidarité internationale. Donc pour vous retrouver, le site internet, j'imagine, voilà, www.france-volontaire.org. Merci. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.